بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوة الإسلام، هذا درسنا 45 في المورد العذب الزلال للشيخ النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن الله عز وجل سي نوتخو 45 كور autour de ce livre de Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala, qui est le Mawrid al-Azb al-Zulal, la source abondante et délicieuse dans la critique de certains voix et dans le da'wa et de certaines croyances. Fa, nous sommes avec les paroles d'Yel Cheikh Twijri rahimahullah ta'ala et certains autres hommes de science autour de Jama'at Tabligh. Avant de revenir à Mawrid al-Abd al-Zulal. وهنا تنبيه بعض الناس الذين تحفزهم الغير على المصلحة الإسلامية والإخلاص للعمل الإسلامي لا يريدون أن يتم النصح بشكل جلي بحجة أن ذلك يمكن للأعداء من معرفة أسرار المسلمين ومن ثم الانقضاض عليهم. Voici un petit rappel, certaines personnes qui aiment l'islam et qui ont un amour pour l'islam, et qui sont, sans en douter, sincères pour œuvrer pour l'islam, ne veulent pas que le conseil se fasse d'une façon claire. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que ça permet aux non-musulmans et aux ennemis de l'islam de connaître les secrets des musulmans, et dans ces cas-là, de leur tomber dessus. فهؤلاء القوم تختلط في تصورهم طرائق النصح للفرد لتصحيح بعض قصوره أو خطئه، والتي يجب أن تتم في إطاره، وإلا خرجت لتصير تشهيرا وتعييرا. وطرائق النصح للفرق والجماعات والأحزاب والمذاهب والطوائف ذات التوجه العام، حيث يتم النصح لها بصورة جلية لأن المصلحة الإسلامية تهم جميع المسلمين. Et ces gens-là se mélangent dans leur esprit et dans leur imagination. Ils ont une fausse image du conseil. Et ils mélangent entre le fait de conseiller un individu qui est tombé dans une erreur ou qui est laxiste dans sa religion. Ceci doit se faire selon les conditions et prendre la personne, lui parler, etc. Sinon, c'est l'insulter et non plus le conseiller. Et en plus, on a à propager ses erreurs une fois que sa situation, que le conseil en privé ne fait plus rien, que la personne s'entête, que c'est une tête qui appelle vers quelque chose dans ces cas-là. Après avoir pris conseil chez les gens de science, s'ils ne disent de le déclarer clairement et pour tout le monde, on le fait. Mais ces gens-là se mélangent dans leur esprit le fait. Là, ils mélangent dans leur esprit le fait de conseiller un individu et le fait de conseiller les gens de ne pas tomber dans les groupes et dans les partis et dans les sectes. Parce que les groupes, les partis et les sectes ont une orientation générale. Il faut que le conseil et l'avertissement soient clairs. Parce que l'intérêt musulman concerne tous les musulmans. Il faut avertir toute la communauté contre les dégâts et les erreurs qu'il y a dans ces groupes. Pour ne pas que les musulmans tombent dedans. C'est ainsi que va s'accomplir le conseil. وفي الإبقاء على الأخطاء وعدم كشفها وتبصير الجيل بها وعدم معالجتها مهما تعددت الأسباب تودي بالعمل الإسلامي قبل أن يبلغ شده ويستوي على سوقه. Dans le fait de fermer les yeux sur les erreurs et de ne pas les divulguer et de ne pas les montrer aux générations, les montrer aux générations montantes et ne pas remédier à ces erreurs. N'importe que ce soit les causes qu'on ramène pour ne pas divulguer ses erreurs, ceci va tuer l'activisme musulman avant qu'il arrive à sa force et à sa puissance. Parce que et ça va faire un blocage sur le chemin de la vérité et un obstacle puisque les gens vont avoir des ambiguïtés. Ils vont tomber dans les filets de ces groupes. Sans savoir qu'ils sont dans une mauvaise voie, etc. Ils vont croire que ça, c'est la voie authentique. وفلسفة التسوير وعدم التناصح لا تقتصر على تدعيم أركان الأخطاء ونموها وإنما تعمل على تكرارها لذلك فالخطورة في قبول الخطأ والرضا به. وعدم معالجته وعدم بيانه. Donc il a philosophie du fait de se dire, de la dissertation de dire il faut laisser, ils ont un bien, et le fait de ne pas se conseiller et de ne pas montrer les erreurs, ceci fait augmenter ces erreurs, il fait que ces erreurs se répètent et se propagent, et ils sont acceptés, et ceci ça va pas vers le fait de remédier aux maux et à ces problèmes qu'il y a, et à ces divergences qu'il y a dans la communauté. Ça va plutôt grandir et laisser faire des champignons. وكثير من الذين يحذرون عملية النصح والنقد الذاتي ويحذرون منها لعلهم مخلصون إن شاء الله. ولكن ليس عندهم إدراك للحق والصواب. ولذلك فإن الإخلاص وحده لا يكفي لبلوغ الغاية. فكم من مريد للخير لن يبلغه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه ولكن من يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقى الشر يوقه فعملية النصح لا تقل أهمية عن الإخلاص بل هي الإخلاص نفسه والصواب عينه. Et beaucoup de ceux qui ne veulent pas et qui font attention et qui ne veulent pas écouter les avertissements et qui ne veulent pas entendre les critiques et qui avertissent contre les critiques, etc., on ne doute pas de leur sincérité, quelque part. Mais il n'y a aucun doute qu'ils ne s'imaginent pas la réalité comme il se doit. Ils ne connaissent pas la vérité. C'est pour ça, la sincérité à elle toute seule n'est pas suffisante pour arriver au but. Combien de gens veulent le bien, ils n'y arrivent pas, comme il a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils n'ont pas appris le chemin du bien. Mais celui qui cherche le bien, il lui sera donné le bien. Et celui qui évite là, le mal, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire éviter le mal. Et le fait de conseiller n'est pas moindre. Il a autant d'importance que la sincérité. Et le fait de conseiller, c'est la sincérité elle-même. Et c'est la vérité elle-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous zukana rujdana. فلا زلنا مع الصفة الرابعة وهي كرام المسلمين فإليكم قصة أخرى ستريكم ماذا إكرام المسلمين عند جماعة التبليغ nous sommes toujours avec ce quatrième attribut chez Jamaat Tabligh, qui est le fait d'honorer les musulmans. Et voici une autre histoire qui va vous montrer ce que ça veut dire Ikram le Muslimin chez Jamaat Tabligh. فهذه قصة فاروق حنيف مع جماعة التبليغ وقد كتبها فاروق بيده كما ذكر ذلك أبو سعيد اليربوزي في تقريره الذي تقدم ذكره في القصة الماضية وهذا نصها Voici maintenant l'histoire de فاروق حنيف avec جماعة التبليغ Et comme vous l'entendez son nom, c'est un Pakistanais. Et فاروق حميد a écrit son histoire avec sa main, comme il a été annoncé dans le rapport de Mohamed Abou Saïd d'Yerbouzi de Belgique. Et tout ceci, je vous le lis directement de le Qawl al-Baligh fi at-tahdhir min jama'at at-tabligh de Cheikh Toujri rahimahullah ta'ala. Yaqulu Farouq Hamid bismillahir rahmanir rahim fi l'ijtima' al-mun'aqid li jama'at at-tabligh yawm as-sabt 28 Rajab 1402 للهجره الموافق ل 22 مايو 1982 ميلادية وحيث الحشود والوفود تجتمع في مدينة شارلوروا قررت الذهاب هنالك لملاقاة بعض الإخوة الباكستانيين القادمين من الدنمارك لحضور اللقاء وتم بحمد الله التقائي بهم في قاعة التجمع واستمعنا معا إلى بيانات مشايخ التبليغ وغير ذلك طيلة يوم السبت إلى صلاة العشاء وبعد انقضاء الصلاة قمت مع أمير جماعة التبليغ في دنمارك لنذهب إلى المكان الذي حطوا فيه رحالهم وأثناء ذلك اعترضني القاضي لأميرهم في الدار البيضاء فظننت أنه سائلي سؤالا عابرا ومضى صديقي دون أن يشعر بتخلفي عنه إلدي فاروق حنيف ونوند الله لكليمون التخميزي أكورديو Durant la réunion qui a eu lieu du Jama'at Tabligh, qui a eu lieu le 28 Rajab, en l'an 1402, qui correspondait cette année-là au 22 mai 1982, alors qu'il y avait beaucoup de monde qui se sont réunis dans la ville de Charleroi, c'est-à-dire en Belgique, j'ai décidé d'aller là-bas pour rencontrer certains de mes frères pakistanais qui arrivent de Danemark pour assister à cette réunion. Et la réunion s'est faite et toute la louange revient à Allah Azza wa Jal. Et nous nous sommes réunis dans la salle de la réunion où il y a eu l'ijtima' de Tabligh. Et nous avons écouté ensemble les bayanat, c'est-à-dire les cours d'El Mashayikh Tabligh, toute la journée du samedi jusqu'à Salat al-Isha. Et après, à la fin de la prière, je suis parti avec l'émir de Jama'at Tabligh du Danemark pour aller à l'endroit où ils ont mis leur pactage. Et sur le chemin, m'a rencontré le Qadiri, l'émir de Casablanca. C'est-à-dire l'émir de Casablanca, c'est-à-dire au Maroc. Et je croyais qu'il allait me poser des questions. Et mon ami est parti devant moi sans sentir que je ne le suivais plus. Yaqulu فاروق حنيف فسألني القادر قائلا كيف تجد قلبك تجاه العمل الذي نقوم به والخروج في سبيل الله اي القادري posa cette question à فاروق حنيف il lui dit comment tu trouves ton cœur qu'est-ce que tu as dans ton cœur et qu'est-ce que tu sens dans ton cœur vis-à-vis de ce que nous accomplissons dans notre خروج في سبيل الله فاروق de lui répondre فاجبته بانني غير مطمئن لطريقه هذا الخروج Et Farouk de lui répondre, je ne suis pas qui est pour cette façon de laquelle vous faites le khuruj. Fastaf salani an sababi dalik. Il lui a posé des questions, pourquoi? Fajabtuhu qailan, et je lui ai répondu, inni ufaddilu an yakuna khuruji 14 ashhur li ta'allum al-arabiyya wal-hadith wal-fiqh fi ad-din. Wa la arghabu al-istima' ila al-khurafat wal-manamat lati la sha'na li biha. Et Farouk lui a répondu, je préfère sortir 4 mois et réserver ces 4 mois à apprendre la langue arabe, le hadith, le fiqh dans la religion, comprendre la religion. Et je n'ai pas envie d'écouter des histoires à dormir debout et des rêves. J'ai rien rien à voir avec les rêves ni avec les histoires à dormir debout. فأجابني على الفور بقوله il m'a répondu en disant إذن في قلبك نفاق. Il lui a dit tout de suite, donc dans ces cas-là, dans ton cœur, il y a de l'hypocrisie. Regardez, comment il a pu voir dans son cœur? Comment? Regardez, هذا c'est l'émir. Qu'est-ce qu'il en est des ignorants? C'est l'émir, il agit ainsi. Tout de suite, il lui dit, donc dans ton cœur, il y a de l'hypocrisie. فقلتُ له هل أنت مطلع على قلبي؟ Et je lui dis, est-ce que tu vois ce qu'il y a dans mon cœur? Mais en réalité, vous avez compris pourquoi? Parce que souvent, ils sont éduqués. Et Tabligh et les Sophis sont éduqués au fait comme quoi le Cheikh il regarde dans le cœur de son disciple. Je lui dis, est-ce que tu sais ce qu'il y a? Est-ce que tu vois ce qu'il y a dans mon cœur? Fa'ajaba na'am. Et le Qadir a répondu, oui. Fa'qultu lahu ma dumta bihadi al-manzala fa'anta rabbi. Lianna huwa wahdahu al-muttali'u ala al-qulub. Kama qala ta'ala ya'lamu kha'inata al-uyuni wa ma takhfi as-sudur. Et donc, quand il a entendu, quand Farouk a entendu cet homme parler ainsi, cet émir de Casablanca parler ainsi, il lui a dit donc, si tu es à ce point-là, donc tu es mon souverain. Parce qu'il n'y a qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il lui a récité ce verset du Coran, il n'y a qu'Allah qui voit ce qui est caché et ce qui est dans les poitrines. Yaqul Farouk, faqabata biyadi biquwa. Il dit à ce moment-là, le Qadir m'a attrapé d'une force. Il m'a attrapé les mains avec une force. فقلت له إليك عني فقال لي ولد في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بالعصا أعوذ بالله فبادرته قائلا اتق الله لا تحرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث أقعد ستوداس إلا بخي إلا سيغي تخفور. Il a pris par ses mains très fort et Farouk Jamil Hanif lui a dit laisse-moi tranquille. Et l'autre, le Qadir, l'émir de Casablanca, lui dit il a été rapporté dans le hadith celui qui voit un mal, il doit le changer avec le bâton. Regardez comment il change le terme du hadith. Et je lui ai dit tout de suite crains Allah Azzawajal. Ne déforme pas le hadith du prophète alayhi salatu wasalam. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui voit un mal, qu'il le change avec ses mains. فلم يصبر آنذاك حتى جرني إليه بقوة ولم يدع لي فرصة لآخذ نعلي فأخذني إلى حجرة صغيرة وطلب مني أوراقي كأنه رجل مخابرات فسلمت أوراقي فأخذها وانصرف بعدها خلف من يحرسني. Et à ce moment-là, quand le jeune Farouk Hanif lui a répondu ainsi, il l'a tiré très fort, il l'a serré, il lui a même pas laissé le temps de prendre ses chaussures et il l'a jeté dans une petite pièce. Après, il lui a demandé ses papiers d'identité, comme si c'est un agent secret. Il lui a demandé, comme si c'est un agent de flic, donne-moi les papiers. Il a dit, et Farouk Hanif lui a donné les papiers. Et il a pris les papiers, il est parti, il a laissé quelqu'un pour le garder. ثم عاد بعد حوالي ثلاث ساعات مع رجل آخر فأخذاني إلى مكان خلفي في الخارج خال عن حركة الناس فربطوا يدي من وراء ظهري وانهال علي القاضر ضربا وركلا وجرا للحيتي وضربا برأسي على الجدار وأذكر من بين ما كان يقال لي أثناء التعذيب من أين جئت بسيارة مشحونة بالسلاح ثم انصرف بعد أن خلف من يحرسني. Il est revenu après 3 heures avec un autre homme, c'est-à-dire le Qadir est revenu chez le frère Farouk Hanif après 3 heures. Ils l'ont privé, ils l'ont amené dans un endroit reculé à l'extérieur de la salle de la réunion, où il n'y a pas de mouvement, il n'y a personne qui passe. Et ils lui ont attaché les mains derrière le dos. Et le Qadiri a commencé à le frapper, à lui donner du coup de pied, et à le tirer par sa barbe, et à claquer sa tête contre le mur. Et il se rappelle, et il disait, et ce qu'on me disait pendant qu'on me frappait, d'où t'as ramené cette voiture pleine d'armes? Et il est parti, il a laissé quelqu'un pour le garder. Regardez comment ils agissent. Et je vous ai conté avant-hier, ou là je crois que c'était jeudi, l'histoire de notre frère Ali al-Iraqi, dans la région parisienne, à Montfermeil, dans le fief de Jamaat Tabligh. Comment ils lui ont cassé la voiture, comment ils lui ont cassé son bras. Et ce qu'ils ont fait à plein de nos frères dans le nord, certains ils les ont jetés de la mosquée, du premier étage, ils les ont poussés directement sur les escaliers. وبعد ربع ساعة تقريبا عاد إلي القادري مع رجل أردني وآخر مغربي يصحبهم الهمام التونسي أميرهم بفرنسا، هذا أميرهم قبل يونس، وعادوا إلى ضربي وتعديبي تحت نظر الهمام ورعايته، وجاءوا بمهزلة أخرى، وذلك قولهم لي إنهم وجدوا سيارة مشحونة بالسلاح وإن لي ارتباطا بها، وغير ذلك من الطراهات التي لا يصدقها عاقل. فبادرتهم بقولي أن لا علاقة لي بها بهذا على الإطلاق، وإن كان ما تزعمونه حقا فاخبروا الشرطة التي تحقق في هذا. Un quart d'heure après, le Qadiri est revenu voir le frère Farouk Hanif avec un autre homme qui est de Jordanie et un autre Marocain. Ils sont accompagnés cette fois-ci de l'émir de France qui était à l'époque le Mami qui est tunisien aussi. Il était émir de France avant Younes. Ils ont commencé à le frapper encore et à le maltraiter devant le Mami et devant la protection de le Mami. Ils ont ramené autre chose de faux encore. Ils lui ont dit, nous avons trouvé une voiture pleine d'armes et tu as une relation avec cette voiture. Ils ont commencé à parler de choses qu'un doué d'oraison ne peut même pas accepter. Il leur a dit, j'ai aucun rapport avec ce que vous dites. Et si vous prétendez que ceci est vrai, appelez la police qui va faire les recherches et qui va faire l'enquête sur tout ça. واستمروا في تعذيبي دون أن يحصلوا مني على نتيجة. ثم هددوني بالكهرباء فقلت إني أفوض أمري إلى الله إنه بصير بالعباد وألبسوني ثوبا ويدي مقيدتان كما سبق وأخذوني إلى مكان أعلى في حجرة ضيقة حيث هناك آلة لتوليد الكهرباء وأجلسوني على حديدة والعجلة من وراء ظهري وأخذ بلحيتي يجرها حتى أقر بما ورائي من سوء كما ادعوا. Ils ont continué, il dit, Farouk Hanif, il dit, ils ont continué à me maltraiter sans qu'ils arrivent à aucun résultat. Après, ils m'ont menacé avec l'électricité. Il leur a dit, je délègue ma situation à Allah Azza wa Jal, il voit ce que font ses serviteurs. Après, ils lui ont mis un tissu, ils l'ont habillé d'un tissu, ses mains attachées, ils lui ont mis un tissu comme la camisole qu'on met au fou pour les mettre dans la voiture pour les ramener à une asile psychiatrique. Et il a dit, ils m'ont pris à un endroit qui est très élevé, dans une pièce qui est étroite, dans laquelle il y a un truc pour l'électricité. Et ils m'ont assis sur du fer, et la roue qu'il y a derrière, il y avait une roue derrière lui. Ils ont commencé à le tirer par la barbe pour qu'il, je sais pas, qu'il avoue, je sais pas quoi, ce qu'il voulait qu'il avoue. Ce que prétend, je sais pas ce qu'il lui demandait d'avouer. Hein? ثم قفل الباب وظللت وحيدا على تلك الحالة سوى واجهة أنظر من خلالها الناس وينظرون إلي ومن حين لآخر يأتي من يتولى إذائي ويقوم بتعذيبي حتى أدركني الفجر وأنا على ذلك فصليت بعيني وأنا على تلك الحال حتى طلعت الشمس. Il a dit, après ils l'ont laissé comme ça, ils ont fermé la porte et il est resté tout seul. Il avait juste une petite fenêtre de laquelle il voit ce qui se passe à l'extérieur et les gens peuvent le voir sans se rendre compte de ce qu'il a. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient le maltraiter et le frapper. Et tout ceci jusqu'à Al-Fajr. Et il était dans cette situation, attaché dans sa camisole, sans qu'il puisse pouvoir faire quoi que ce soit et bouger. Il a dit, j'ai prié avec mes yeux jusqu'à... Et ils m'ont laissé ainsi jusqu'au lever du soleil. Voici Akhal Islam. Comment ils honorent les gens de la sunna. Voici Ikram al-Muslimin si jamais à Tibliq. ويقول فاروق وحوالي الحادي عشرة جاءني القادري ونصحني بالابتعاد عن المسلمين وأخذني لأغسل ما أصابني أثناء تعذيبي من التشويه حتى بعد الثاني عشر ناولني أوراقي وأطلق سراحي مكررا نصحه لي بالابتعاد عن المسلمين. Il dit, vers le coup de 11 heures, le Qadiri, l'émir de Casablanca, est venu le voir. Et il lui a conseillé de s'éloigner des musulmans. Et il l'a amené dans un endroit pour se laver et pour enlever les traces sur son visage, etc. Et vers le coup de midi, il lui a ramené ses papiers et il l'a libéré en lui répétant le conseil qu'il faut s'éloigner des musulmans. Ça, frère en islam, c'est ça. Ikram le muslimin si jamais à Tibliq. Hakada ya ahbab al-kiram. يكون إكرام المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى. ها؟ يقول فاروق وهكذا يا أحباب الكرام يكون وهكذا يا أحباب الكرام يكون إكرام المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله وإليه المشتكى وهو حسبي ونعم الوكيل. وجاء في خاطري وأنا خارج المكان أن ذهب إلى الشرطة وأخبرهم بما جرى لي مع هؤلاء، ولكني فضلت الصمت مراعاة لمصلحة الإسلام والمسلمين. يفارق جميل الندي أنسي فخيرنا الله ها سي ليماج دو إكرام المسلمين أونوغي لي مسلمون واسي ليماج دكرام. Et il dit, voilà, haoula, voilà, quote, illa billah, et je n'ai qu'à me plaindre qu'à Allah Azza wa Jal. Il a dit, il m'est arrivé à l'esprit d'aller voir la police, de leur dire ce qui est arrivé, mais j'ai préféré me taire pour l'intérêt de l'islam et des musulmans. Fa, hadi qissa ma'a Farouk Hanif, awdahu dalil anna innakram, le muslim mutamassik bis sunna, la wujuda la wujinda tibliriyin. Cette histoire avec Farouk Hanif, tu prouves que Ikram le muslimin, Ikram honorer les gens de la sunna et ceux qui se comprennent à la sunna, n'a pas de place chez Tibliriyin. ويدل عذلك أيضا بغضهم وعداوتهم لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب ومحاربتهم لكتبهم وتمنيهم إحراقها وإزالتها عن وجه الأرض كما سأبينه لكم في تقرير آخر من خلال هذا الكتاب. Et le prouve aussi la force et le degré de haine qu'ils ont vis-à-vis du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Mohammed ibn Abdelwahab. Et comment ils combattent leurs livres. Et s'ils pouvaient les brûler, ils le feraient. Ils le feraient disparaître de sur terre. Comme je vous le citais dans notre rapport dans le Qawl al-Balir du Cheikh Twijri, rahimahullah ta'ala. فيقول الشيخ توجري معلقا على هذه القصة، قلت في هذه القصة أوضح بيان لما كان عليه التبليغيون من بغض أهل السنة والعقيدة السلفية. Et الشيخ توجري de nous dire dans cette histoire de Farouk Hanif, c'est une histoire qui est claire, qui nous montre comment التبليغيين détestent les gens de la sunna et la عقيدة السلفية. وما كان عليه بعض أمراء من الفضاضة والغلظة على الضعفاء من أهل السنة. Et il te montre aussi comment certains émirs de ce groupe sont durs avec les faibles des gens de la sunna. ومجاوزت الحد في ظلم من تمكنوا من ظلمه والاعتداء عليه من غير جرم ولا سبب سوى كراهته لخرافات التبليغيين ومناماتهم وما يزعمونه من الكرامات التي لا حقيقة لها. Ils dépassent leurs limites dans les injustes, dans l'injustice, quand ils attrapent quelqu'un. Comment? Comme dans cette histoire. Et pourquoi? La cause c'est quoi? Parce qu'ils n'aiment pas les histoires à dormir debout d'El Tibliriyin, ni leurs rêves, etc. Ni les karamates et les choses extravagantes et extraordinaires qui n'ont aucune réalité qu'ils prétendent. وإنما هذه الكرامات إنما هي من تلاعب الشيطان بهم وتلبيسه عليهم في اليقظة والمنام كما فعل ذلك بأسلافهم من جهلة الصوفية وضلالهم. إذن كنت أسي كرامات كيل بريتوند إنو أوكين رياليتي سامبلومون الشيطان الجوا فيك ها كو سوا دون الغيف ولا اون ايفي كوم إلا في افيك لوغ زايول parmi les ignorants ديال الصوفية et parmi leurs égarés ديال الصوفية. Et même avec nous, même avec moi, ils m'ont menacé à plusieurs reprises. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que mon beau-père était imam dans leur mosquée, dans l'un de leurs centres. Et les gens, chaque fois que dans une réunion, ils parlaient de moi et de ce qu'ils allaient me faire, ils allaient l'avertir. Donc, quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala m'a protégé d'eux par l'intermédiaire de mon beau-père. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège. Mais combien de fois ils l'ont dit à mon père, on va lui faire quelque chose. Il ne faut pas qu'il dise aux jeunes qu'il ne sorte pas, etc. Direct. Il ne faut pas croire Ikram le muslimin quand il s'élève dans la mosquée Ikram le muslimin. Oui, Ikram le muslimin qui sortent avec eux. Mais le muslimin et les salafis et ceux qui cherchent la sunna, ils n'ont aucun Ikram et aucun respect pour eux. ويقول الشيخ تويجري رحمه الله: وإن الجلود لتقشعر مما فعله الظلمة من أمرائهم مع المسلم الضعيف المسمى بفاروق حنيف، من أنواع التعذيب والضرب الشديد وما وجهوه إليه من الافتراء والأكاذيب والتهم التي لا صلة له بها. وسيقيف الجميع بين يدي حكم عدل يأخذ للمظلوم حقه من الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إيه الشيخ تويجري رحمه الله de nous dire, et là, on a la chair de poule de cette injustice que leurs émirs ont fait subir à ce faible qui s'appelle Farouk Hanif. Et comment ils l'ont maltraité, comment ils l'ont frappé, comment ils l'ont accusé de choses duquel il est innocent. Et il dit, et demain, tout le monde va être debout devant Allah Azza wa Jal, qui est le juste. Et qui va donner le droit de celui à qui on a spolié son droit. Et qui va se venger de celui qui a commis une injustice. Il cite un verset du Coran: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Et ceux qui ont été injustes vont savoir comment ils vont, quelle situation leur est réservée, et dans quelle situation ils vont se retrouver. وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ وجعله محرما بين عباده، وحرم إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وشدد في ذلك، وحرم أيضا رميهم بما هم براء منه من الخطايا والآثام، وشدد في ذلك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله سبحانه وتعالى سينتردي لانجستيس، إلى في كل انجستيس سواء انتردت entre ses serviteurs. Et il a interdit le fait de faire du mal, ou de dire du mal, ou d'accuser de mal le croyant et la croyante, et de leur attribuer ce qu'ils n'ont pas fait, et de leur attribuer les choses duquel ils sont innocents. Et il dit dans le verset: ceux qui font du mal aux croyants et aux croyantes, sans que cela les mérite, ceux-là se sont accaparés d'un grand mensonge et d'un grand péché, d'un péché clair. Et les hadiths du prophète alayhissalam sont nombreux pour nous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la justice. فَإِلَيْكُمْ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا سَفَاهَةَ هَؤُلَاء وَجَهْلَ هَؤُلَاء قصة ذبح طائفة منهم لأولادهم الذكور اعتمادا منهم على الأحلام الشيطانية. وقد ذكر هذه القصة الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي في كتابه نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعات التبليغية، فقال ما ملخصه: Voici maintenant pour que vous vous rendez compte de l'ignorance dans laquelle sont les disciples de la جماعة التبليغ là-bas en Inde. Certains ont égorgé leurs enfants mâles en s'appuyant sur des rêves sataniques. Et cette histoire est rapportée par le professeur Saif al-Rahman ibn Ahmed Dahlawi, qui est un Indien et qui a écrit un livre qui s'appelle Un regard sur Jama'at Tabligh. Nadra abira atibariya hawla Jama'at Tabligh. Et voici le résumé de ce qu'il a dit. وَإِنَّ مِنْ غَرِيبِ مَضَارِ الْجَهْلِ مَا حَدَثَ بِالْهَنْدِ وَبَاكِسْتَانِ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالتُّقَى حَيْثُ رَأَوْا فِي الْمَنَامِ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا أَوْ يَذْبَحُونَ بَعْضَ أَوْلَادِهِمْ الذُّكُورِ خَاصَّةً فَلَمَّا أَصْبَحُوا ظَنُّوا مَنَامَهُمْ إِلْهَامًا وَأَمْرًا وَابْتِلَاءً لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَقَامُوا وَأَنْجَزُوا مَا أُمِرُوا بِهِ فِي زَعْمِهِمْ فَذَبَحُوا أَبْنَاءَهُمْ مِنْ أَصْلَابِهِمْ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ مُطَّرِحًا وَهُوَ يَنْظُرُ وَأَحْسَنُوا ذِبْحَتَهُمْ فِي زَعْمِهِمْ وَاحْتَسَبُوهُمْ وَأَحْسَنُوا احْتِسَابَهُمْ فِي زَعْمِهِمْ فَيَا لَهَوْلَ الْمَنْظَرُ وَلَا فَظَاعَةِ الْجَهْلِ. Il dit fait partie des choses étranges et le mal avec lequel où est-ce qu'on traîne l'ignorance qui est arrivée en Inde et au Pakistan parmi certaines personnes qui font partie de la religion et du bien, et qu'on considère comme quoi ce sont des gens de piété, etc. Ils ont vu dans leurs rêves, comme quoi ils égorgeaient leurs enfants, mal. Et le lendemain matin, quand ils sont réveillés, ils ont cru que ce rêve, c'est quelque chose, c'est une révélation, et qu'il leur a été ordonné, et que c'est une preuve qu'ils doivent, min Allah Azza wa Jal, qu'ils ont reçue. et que c'est un ordre. Ils sont allés, ils ont égorgé leurs enfants. Et leurs enfants, ils les ont égorgés comme les moutons. Et en regardant leurs enfants, et ils prétendent qu'ils ont bien fait et qu'ils ont, hein, et qu'ils les ont égorgés de la meilleure des façons. Et ils les comptabilisent chez Allah, Zawajal. Regardez la situation comment il est. Regardez où est-ce que ça nous amène l'ignorance. ولما أخذوا ونوقشوا قالوا لم نأتي إمرا ولم نحدث نكرا وإنما أنجزنا ما أمرنا به واتبعنا فيه سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا يعلمون أن منام الأنبياء وحي ومنام الصلحاء بشائر أو أضغاث أحلام ومجرد رؤيا منام أو إضلال شيطان. Et quand ils ont été pris, qu'il y a eu des débats avec eux, ils ont dit nous avons rien fait, nous avons fait aucun mal. Tout simplement, nous avons accompli l'ordre que nous avons reçu et nous avons suivi la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu salam. Ils ne savent pas, les pauvres, que les rêves des prophètes alayhi salatu salam, c'est une révélation et que les rêves des vertueux, c'est une bonne nouvelle pour eux ou alors c'est tout simplement des futilités ou de l'égarement du shaitan. والسبب في جهلهم هذا وامتال قيادتهم الدينيه فهي المسؤوله عن جهل الاتباع الى cause de l'ignorance de cela et de leur exemple c'est leur leader au niveau de la religion c'est eux qui sont responsables de l'ignorance des disciples الى ان قال ولم نسبع مثل هذه الاحداث في البلاد العربيه فيا لكارثه العقول وزيغ القلوب ويا لضياع الدين والدنيا معا فانا لله وانا اليه راجعون. Donc, jusqu'à ce que Saif Rahman il a dit, ouais, et nous n'avons rien entendu de tel événement dans un pays arabe. Il a dit, regardez la catastrophe et hein, comment les cœurs sont déviés. Regardez comment la religion est perdue. Et ce bas monde avec. Inna lillahi wa inna ila raji'un. Waïda kan, tiqou le Cheikh Twijri. Waïda kan, t'hadi l'karitatu min af'ali l'mansoufina. بالدين والصلاح والتقى من التبليغين فما الظن بمن هو دونهم في هذه الخصال. Il dit Cheikh Twijri رحمه الله تعالى, si ça, cette catastrophe est arrivée de gens parmi eux qui sont désignés comme quoi ce sont des gens du bien et des gens de la religion, bah qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont plus bas degré qu'eux? Qu'est-ce qu'il faut croire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein, ce sont ceux qu'on désigne comme quoi ils sont bien. Qu'est-ce qu'il en est des autres? فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من الاغترار بالتبليغيين والانضمام إليهم فإنهم أهل بدع وضلالات وجهالات ولا خير فيهم. Il dit Cheikh Twijri, rahimahullah, qu'il fasse très attention, le croyant qui veut, qui est d'un bon conseil pour lui-même, qu'il ne se fasse pas avoir par tabligiyin et qu'il adhère pas à leur mouvement, car ce sont des gens de l'innovation et des gens de l'égarement et des gens de l'ignorance. Il n'y a aucun bien en eux. Donc, فالصفة الخامسة تصحيح النية وإخلاصها مما يدل على فساد هذه الصفة عند جماعة التبليغ أمور. فتصحيح النية هل يكفي بدون تصحيح العمل؟ ما يكفي، لا بد من تصحيح المعتقد وتصحيح العمل، وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع. فهل هذه الأصول تستقيم بهذه الجماعة؟ لا، لأنها أصول لم تبنى على علم نافع. Donc la cinquième sifa chez eux, c'est authentifier l'intention et être sincère dans son intention. Mais est-ce qu'une bonne intention suffit sans authentifier les actes? Il est évident que ça ne suffit pas, hein? Il faut qu'il y ait une bonne aqida, il faut authentifier les actes, et ceci ne peut arriver qu'avec une science bénéfique. Et ces fondements et ces sifa si jamais à tablir ne sont pas droits, ne sont pas bonnes. Parce que ce sont des fondements qui ne sont pas basés sur une science bénéfique. Et ils ne sont pas basés sur une aqida saine et sur une science bénéfique. فهذه العقيدة تخلو من شرط أساسي وهو تصحيح العمل. فإن النية والعمل مقترنان لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثانيا ممارسة تبليغ الأعمال التصوف التي تفسد القلوب وتحبط الأعمال. ثالثا الإخلاص أمر قلب لا يطلع عليه إلا الله، وإنما إمارة ذلك أمارة ذلك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقيد بما شرع الله في الظاهر والباطن لأن الظاهر على الباطن دليل. دونك فخيرنا الله عز وجل cette صفه qui est authentifie l'intention et que l'intention soit sincère pour Allah عز وجل. Premièrement, ce fondement, il n'y a pas la condition principale qui est le fait d'authentifier l'acte. Car n'y a l'intention sans l'acte n'est pas bonne. Car n'y a, elle est le frère siamois de l'acte. Ils s'accompagnent tous les deux. Donc il y a quelque chose qui manque. Deuxièmement, tbliriyin font des actes dial tasawuf qui rendent mauvais le cœur et qui font avilir les actes. Troisièmement, la sincérité est quelque chose qu'il y a dans le cœur. Il ne la connaît qu'Allah, Azza wa Jal. Mais le signe apparent de cette sincérité, c'est le suivi de Mohammed alayhi salatu wassalam et le fait d'être conditionné avec la législation d'Allah, Azza wa Jal, dans l'apparence et dans l'intérieur. Car l'apparence, c'est une preuve sur l'intérieur. Et quand tu sais que leur fond, l'un de leurs plus grands, il s'est levé ici dans le sud. Il s'est levé ici dans le sud pour dire quoi? Pour dire, hein, par Allah, si un acte n'est pas bon, et si un acte est bon, et si même le prophète ne l'a pas fait, bah faites-le. Faites-le. Wa na'ti ila sifati sadisa, wa hiya al-khuruj al-tablighi. التي يسمونها الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. Donc on arrive à la sixième صفات qui est le fait d'appeler vers Allah et de sortir في سبيل الله. Ça veut faire le globe trotteur sur terre et faire du tourisme. أبرز سمات جماعة التبليغ هو التبليغ الجماعي وما يسمونه بالخروج. فهو الأصل الذي بنى عليه محمد إلياس رؤيته وطريقته ولذلك فأهل التبليغ يغالون في هذا الخروج كثيرا حتى إنهم يعدونه الجهاد الأكبر وذلك واضح في احتجاجهم عليه بآيات وأحاديث الجهاد في سبيل الله وقاموا بتحديد مدة الخروج بثلاثة أيام أو 40 يوما أو 14 أو سنة. Et l'une des plus grandes caractéristiques de جماعة التبليغ de la دعوة جل جماعة التبليغ c'est tablir en groupe, ce qu'ils appellent khuruj. Et ça, c'est la base principale sur laquelle Mohamed Ilyas a construit son rêve et a construit sa jama'a. Et tablir youn exagère dans ce khuruj. Il le considère comme le grand jihad. Et ceci est clair quand ils prennent comme preuve pour ceci, les versets qui concernent le jihad, le combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, ils le mettent pour le khuruj de 3 jours, de 40 jours, ou de 4 mois, ou d'une année. À tel point, certains sont arrivés à cela, et je l'ai entendu de l'un de leurs grands, et celui qui est l'intellectuel parmi eux. Il dit que j'ai des gens, chaque fois qu'ils dorment sans faire le dos, bah, ils se rappellent que leurs 3 jours du mois, ils doivent sortir maintenant. Il dit qu'il... regardez à tel point ça les travaille. Dès que je m'endors sans mon odo, ça veut dire qu'il faut que je sorte fi sabilillah. Qala al-doktor Sheikh Mohammed Taqi al-Hilali rahimahullah dhaharat fi hadha al-qarn al-rabi' ashar fi bilad al-muslimin fi mashariq al-ardi wa magharibiha da'watun عرف أهلها بالإخلاص لها والصبر وتحمل المشاق في نشرها والاستماتة وبدل النفس والنفيس في خدمتها ألا وهي دعوة قوم يسمون أنفسهم أهل التبليغ ووضعوا لدعوتهم أركانا ستة مدارها على السياحة فهي الركن الأساسي عندهم فهي بمنزلة الشهادتين عند أهل الاستقامة فمن قبلها واشتغل بها أحبوه وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصيره وضلاله وبدعته ومن خالفهم فيها لم يقبلوا منه شيئا وإن كان مؤديا لجميع الواجبات قائما بالفرائض والسنن متبعا لأقوم السنن فهي خلاصة دينهم عليها يوالون أو يعادون ويحبون أو يبغضون نقلا عن السراج المنير للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. دكتور شيخ محمد تقي الدين الهلالي دون دي دون سو ليفر سراج المنير qui est un livre qu'il a écrit sur Jamaat Tabligh en 1979. Hein? Rappelle, dans les années 80, il était en Belgique. Il est parti avec les gens de la mosquée de Moukran où j'étais imam. Et à cette époque-là, il y avait Abou Bakr al-Jazairi à Bruxelles. Et les gens, les vieux personnes qui me racontaient ça, ils sont encore là, disaient, on demandait à Cheikh Taqid, il allait venir avec nous pour visiter Cheikh Abou Bakr al-Jazairi. Il dit, par Allah, je n'irai pas. Jusqu'à ce qu'il revienne sur sa fatwa qu'il a donnée en faveur de Jamaat Tabligh. Il l'embrassait sur le front. Il dit, par Allah, je n'irai pas. Il faut qu'il revienne sur cette fatwa qu'il a fait pour Jamaat Tabligh. Taqid Dilal était un homme fort contre l'innovation. Il était un homme qui était, hein, il n'aimait pas ni l'innovation ni les innovateurs. Et il dit, rahimahullah ta'ala, dans son livre, il est apparu au 14e siècle dans le pays des musulmans à l'est de la terre et à l'ouest une da'wa dont les disciples sont connus par la sincérité pour leur da'wa et par la patience et l'endurance pour propager leur da'wa. Et qu'ils mettent, qu'ils dépensent ce qu'ils ont de plus cher au service de cette da'wa. Et cette da'wa, ces gens s'appellent eux-mêmes Ahl Tabligh. Et ils ont mis des fondements à leur da'wa. Et le pilier principal de cette da'wa, c'est le tourisme sur terre, le Globetrotters. C'est le pilier principal chez eux. Il est l'équivalent de l'attestation de foi chez les gens de la droiture. Celui qui accepte le khourouj et qui s'occupe et qui fait du khourouj, il l'aime, il l'honore, il lui pardonne tous ses péchés, ses négligences, son égarement, ses innovations. Et celui qui est en divergence avec eux, il n'accepte rien de lui, même si c'est quelqu'un qui accomplit son devoir comme il se doit, qui accomplit les sunnans, qui suit les sunnans du prophète alayhi salatu wasalam, qui est dans la droiture, dans son suivi. Car le khourouj, c'est la crème de leur religion. C'est pour le khourouj qu'ils font l'alliance. Et pour le khourouj qu'ils désavouent. C'est pour le khourouj qu'ils aiment. Et c'est pour le khourouj qu'ils détestent. Naam akhal islam. Kama sami'at. Wa qala al-sheikh Saifur Rahman ibn Ahmed Dahlawi. Wa fi al-tabligh al-jama'i yaqulun innahu al-jihadu al-akbar. Wa yakrahuna kulla da'watin la taqumu ala namatihim. Hada. ويمنعون الناس عن الدعوة إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله في حلقتهم خاصة إلا في أصولهم وتعاليمهم ومنهجهم وإلا في نطاق الحكايات والأقوال والأحلام والرؤى الصالحة والفضائل مما يلائم عقائدهم وخرافاتهم ويبالغون في خروجهم الجماعي للتبليغ مبالغات عجيبة ويغالون فيه مغالات ما بعدها مغالة يتجاوزون فيها الحدود المعقولة والمنقولة ويقصر عنها البيان وهذا كذلك نظرة عابرة اعتبارية حول جماعة التبليغ للشيخ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي وهو من الهند ويعرفهم جيدا الشيخ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي كي لي كوني تري بيان il dit dans تبليغ en groupe il considère le khuruj comme le grand jihad il déteste toute da'wa qui n'est pas comme eux. Tous les gens qui ne font pas la da'wa comme eux, ils le détestent. Et ils ne permettent pas à des gens qui font da'wa au livre et à la sunna de le faire dans leur mosquée ou dans leur centre. Et dans leur groupe, quand ils font leur da'wa, etc., tout va tourner autour du khuruj, autour des attributs, des piliers qu'a fondé, autour des fondements qu'a fait Mohamed Ilyas, et autour de leur enseignement, de leur voix. Autour de quoi? Des histoires à dormir debout, des paroles, des rêves, hein, et des vertus, ce qui convient à leurs croyances et à leurs histoires à dormir debout. Et ils exagèrent dans le khourouj, une exagération extraordinaire. Ils dépassent les limites de la raison. Hein? Et il dit, on ne peut même pas décrire leur façon, leur exagération. Tel point, ikhwat al-islam. Ça veut dire que dans les années 80, les darons marocains et tous les habitants là-bas du nord qui travaillaient dans les mines commençaient à ramener leurs familles en grand nombre. Et c'était l'apogée d'or à ce moment-là de Jamaat Tabligh. Vous savez les histoires qui sortaient? Que, hein, ils incitaient les hommes à sortir, etc. Et l'homme dit, mais ma femme, il ne connaît même pas l'arabe, s'il ne parle que le berbère, etc. T'inquiète pas, Et après, il y a quelqu'un qui vient et qui commence à raconter des histoires. Wallah, et tu dors debout. Sors, fils Abilillah, il va y avoir un ange, deux anges qui vont garder la maison. Il va y avoir des policiers qui vont venir et te poster là. Il va t'envoyer des policiers qui vont être postés pour protéger ta femme et tes enfants. Il raconte des histoires qu'un, hein, il venait de ramener sa famille et il est sorti, fils Abilillah, il l'a laissé alors que sa femme ne connaissait aucun mot en arabe et ne connaît encore moins le français. Et il a dit qu'il y avait une vieille qui venait tous les jours leur ramener la nourriture et qu'il y avait un chien qui gardait la maison tout le temps. Des histoires, ils se racontent des histoires entre eux pour se donner, hein, s'encourager à sortir et pour prouver que ce groupe, il a des karamates. Et vas-y, et les histoires n'en finissent pas. Combien d'histoires ? À tel point, gars, un de nos frères qui a passé 15 ans avec eux, quand il les a laissés, wallah, une personne, un ancien parmi eux qui a fait plus de 2 fois, 4 mois en Inde et au Pakistan, il me jurait. Il dit, par Allah, ton copain Hada, il va sortir de l'islam. Tu vas voir, il a quitté le khourouj, il a quitté ce amal, bah, tu vas voir, il va raser sa barbe, il va se faire ceci, il va quitter l'islam, il ne va plus prier. Bah, ça fait 11 ans qu'il les a quittés, il a toujours sa barbe, alhamdulillah, il est toujours dans sa prière, il fait toujours des efforts dans la voie d'Yel Salaf, radouallah alayhim, ou alhamdulillah, et la personne, je ne vois pas pourquoi il jure ainsi. Vous montrez, il n'y a rien que le khourouj. Rien ne leur importe dans cette religion que le khourouj, le khourouj, le khourouj. Je vous ai dit, à tel point qu'ils sont obsédés, ils disent, je ne dors plus avec le dos, donc il faut que je sorte, fils Abilillah. Hein? Et le khourouj, c'est tout. Il raconte même des histoires. Là, pour embobiner des gens, il leur dit, voilà, l'homme, il vient, et on commence à lui faire tchkil, et ils lui disent, bah, viens, sors, fils Abilillah. Non, j'ai pas le temps, j'ai les enfants, etc. Non, je pourrais pas. Il dit, bah, tiens, regarde. Va à la maison et dis-leur que tu es piqué par un venin, que le médecin a dit, la seule façon pour être guéri, c'est qu'un de tes enfants excise la plaie et qu'il te suce pour sortir ça. Tu vas voir, ils vont tous te laisser tomber. Le bonhomme, soi-disant, il va et fait, c'est une histoire qu'il raconte pour embobiner les gens à sortir. L'homme, il va, chez lui, il tombe. Ah, j'étais piqué et j'ai mal, je vais mourir. Mais c'est la seule sorte pour être sauvé, c'est que quelqu'un de vous excise et suce pour sortir le venin qu'il y a. Évidemment, les enfants. Et ils disent, ah, bah, tu vois, tout le monde, personne ne veut, ni la femme, ni les enfants. Après, le bonhomme, il sort. J'ai un petit peu comment il joue. C'est quoi ces histoires? Comment il joue avec l'esprit des gens? C'est pour ça que leur dawa, comme nous l'avons vu, ne concerne pas les intellectuels. Ne parle pas trop avec les intellectuels. Mais il concerne beaucoup l'awam. Ils vont chez l'awam pour les embobiner. Et quand ils s'occupent des jeunes maghrébins d'Europe, c'est surtout pour faire un appât pour les ajam du Pakistan et de l'Inde. Les voir, c'est les enfants des sahaba qui sont venus vous voir. Et tu les vois, les pauvres jeunes maghrébins, ils se font passer les mains sur leurs vêtements, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Qu'ils font leur éloge, mais les autres, ils prennent la baraka sur leur dos. وقال مما يعرف عن هؤلاء انهم يعتقدون ان من خرج معهم في التبليغ الجماعي فقد جاهد جهادا كبيرا واكبر الذي ما عليه من مزيد الا التكرار منه فانهم يرون الخروج معهم في التبليغ الجماعي افضل من الجهاد بالسيف والقلم وافضل من محاربه اعداء الله ورسوله وجهاد في سبيله وافضل من الدفاع عن بيضه الاسلام والمسلمين. ومما يؤكد هذا الواقع ما يحدث به التقاة من طلاب العلم الذين عايشوا جهاد مسلمين الأفغان ضد الشيوعية أن جماعات التبليغان تأتي للمجاهدين في مواقعهم ومعسكراتهم تدعوهم للخروج التبليغي حتى أخونا هذا الذي تاب من عندهم فعل هذا ذهبوا إلى الإخوة المجاهدون عندما كان الجهاد مع الروس ويطلبون منهم أن يخرجوا معهم في سبيل الله انظروا فمن أتى بذلك أتى بسنة الأنبياء على زعمهم والمرسلين وأتى بسنة سيد الأنبياء والمرسلين وأتى بالذي وكالذي خرج له الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في المعارك وميادين الجهاد. هذا كلام لا أصل له. Donc, et ce qui est connu d'eux, comme le rapporte هذا Cheikh Saif al-Rahman ibn Ahmed al-Dahlawi رحمه الله ou Hafidah Allah Ta'ala, il connaît ce qu'il croit en ce khourouj, que celui qui sort avec eux, il a fait le grand jihad. et même plus que le grand jihad. Hein? Et si il faut qu'il augmente le khuruj après khuruj après khuruj, hein? Et il voit que le khuruj, le fait de sortir, est mieux que le jihad avec les armes et tout ça, et mieux que le jihad avec la plume, et mieux que le fait de combattre les ennemis d'Allah Azza wa Jal et de son messager alayhi salatu wassalam, et mieux que le fait de mourir sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, et le mieux que défendre les pays de l'islam et les musulmans. Tel point que pendant la période d'Yal Jihad, où il y avait le jihad en Afghanistan, le jihad légiféré entre les Afghans et les Russes, ils allaient dans les campements, ils demandaient aux Mujahidines de sortir avec eux. Ils voulaient débaucher les Mujahidines de leur camp et de les sortir avec eux. Et notre frère là, du Nord, qui s'est repenti, qui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé de ce mouvement, il a fait cet acte-là, d'aller voir les Mujahidines dans leur campement pour leur demander de sortir fisabilillah. Et ils disent que celui qui fait le khuruj fi sabilillah, il a accompli la sunna de tous les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam. Et il a accompli la sunna du plus noble des prophètes alayhi salatu wassalam, qui est Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il a accompli la chose pour laquelle les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam sont sortis tous. Fa nsallah subhanahu wa ta'ala salama wa al-afiyah. Ça c'est كذلك يحددون ويأتون باستدلالات ها واستدلالاتهم كلها لا أصل لها مخالفة للكتاب والسنة فالاستدلالات ليست في محلها. Ils prennent des preuves, mais ils mettent pas les preuves à leur place. Sur le fondement du khuruj, ils disent كنتم خير أمة أخرجت للناس وهذا دليل استدلال باطل. كنتم خير أمة أخرجت للناس. Ça veut dire, vous êtes la meilleure des communautés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir aux gens. Ils ordonnent le bien, mais pas sortir sur le sentier, faire le globe trotteur. C'est pas ça que ça veut dire le verset. كذلك استدلالهم بآية الجهاد في سبيل الله وحاجته تحريف لأن المراد القتال في سبيل الله ومحاربة أعداء الله. Donc le fait quand ils prennent comme preuve les versets d'Yal Jihad, d'Yal le combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, et les hadiths qui vont dans ce sens-là, qui concernent le fait de faire le combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, hein, et de combattre les ennemis d'Allah Azza wa Jal sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est une fausse preuve qu'ils ramènent. S'ils détournent le sens, ils mettent les preuves là où il ne faut pas. Talitan, استدلالهم بانتشار قبور الصحابة في خارج الجزيرة على خروجهم استدلال فاسد لأن الصحابة خرجوا في جيش الفتح الإسلامي للقتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. Et souvent, ils prennent comme preuve le fait que les tombes des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam sont propagées en dehors de l'Arabie Saoudite. Et ceci, c'est une fausse preuve aussi, car les sahaba, ils sont sortis dans une armée pour la conquête musulmane et pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Ils ont combattu. كذلك استدلالهم بقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون من سورة التوبة يستدلون بهذا على خروجهم وهذا جهل بكتاب الله لأن المراد بالسائحين المجاهدون في سبيل الله. قال ابن كثير وجاء ما يدل على أن السياحة هي الجهاد وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض. ها Et j'ai entendu Hada. Hada, ils prennent aussi le verset Taïboun, l'Abidoun, les repentants, les adorateurs, ceux qui font les louanges. Sa'ihoun, ils prennent ce terme Sa'ihoun, quoi, comme preuve sur le khuruj fi sabilillah. Ça vient du mot Siyaha. Mais Sa'ihoun, ici, comme dit Ibn Kathir, ce sont les Mujahidoun fi sabilillah, sur le combat, sur le terrain de combat. Et il est arrivé ce qui prouve que Siyaha, c'est le jihad, c'est le combat, et non pas le globe trotteur, comme le comprennent certains, ceux qui se rapprochent d'Allah en faisant du tourisme sur terre, ou là qui, comme les sophies qui vont se perdre et aller sur terre. Non, akhal islam. Et j'ai entendu une voix, Hada Younes, dire par Allah, la meilleure des explications qui a été donnée à ce ta'iboul, abidoul, hamidoul, sa'ihoun, raki'oun, sajidoun, c'est le khourouj, c'est ce qu'il a dit Omar Parampouli. Subhanallah, Ibn Kathir, il ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Hein? Les imams d'Yel Tafsir ne disent pas ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? كذلك تحديدهم خروجهم بثلاث أيام أو أربعين يوما أو ثلاث شهور أو أربعة شهور أو سنة بدعة ليس لها أصل في الشرع، وقد زادها بعضهم ضلالا باستدلالهم عليها بآيات لا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. فقد استدل بعضهم على 3 أيام بقوله فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، وبأن أقل مدة للقصر هي 3 أيام، وعلى 40 يوما بقوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، وعلى 4 أشهر بقوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وبقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. إن هذه الاستدلالات تدل على تحريف وأنها ليست في موضعها، ليست في موضعها. donc pour la limite pour limiter le temps ديال الخروج en 3 jours en 40 jours en 4 mois ou là une année, ceci est une innovation en soi, il n'a pas d'origine dans la législation de Allah Azza wa Jal. Et certains comme Abu Bakr al-Jazairi ont rajouté à cet égarement des preuves, ont donné des preuves. Et j'étais chez Abu Bakr al-Jazairi à la maison avec Alain des grands, et le grand lui dit il y a certains qui commencent à nous reprocher que le khuruj est une bid'a, qu'il n'y a pas de preuve pour 3 jours, pour 40 jours, pour 4 mois, etc. Et Abu Bakr al-Jazairi a ramené ses preuves. Ses preuves, il a dit prenez plaisir dans vos maisons 3 jours. C'est hada, c'est l'ordre, ce qui a été dit à l'un des peuples, d'un des prophètes qui allait recevoir après les 3 jours le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc il a pris cet avertissement d'Allah Azza wa Jal comme preuve pour les 3 jours. Et aussi que la période du fait de raccourcir de la prière, il est de 3 jours. Et pour ce qui concerne les 40 jours, ils ont pris, et je l'ai entendu de la bouche d'Abu Bakr al-Jazairi chez lui, et il nous a servi à ce jour-là, c'était en 97, il nous a servi un thé, il a dit ce genre de thé, tu ne le buvras qu'à Casablanca. Et il a dit, il a pris comme preuve pour les 40 jours, et nous avons promis à Moussa, nous avons donné rendez-vous à Moussa 30 jours, et nous avons terminé qu'à 10 jours, ça fait 40 nuits. Donc les 40, ils l'ont pris de cette sortie. Le fait que Moussa, alayhi salatu salam, il est allé les rester 40 nuits au rendez-vous qu'il avait avec Allah Azza wa Jal. Vous voyez un petit peu comment il détourne. Hada, c'est une preuve qui n'est pas mise à sa place. Et pour les 4 mois, ils ont pris un verset, même Abu Bakr al-Jazairi qui l'a dit directement, devant moi je l'ai entendu. Il a dit Fasihu fil ardi 14 jours, et errez sur terre 4 mois. Et c'est un verset qui concerne les mécréants. Et aussi, certains utilisent un autre verset pour ceux qui font ila à leurs femmes, ils doivent attendre 4 mois. Et tout ceci te prouve comme quoi ils prennent les preuves, ils leur tendent le cou. Parce que ils sont tombés dans un piège. Le piège, c'est quoi? C'est que, avant de croire, il fallait chercher la preuve. Mais eux, ils ont cru, et après, ils sont allés chercher les preuves, et quand ils ont trouvé que les preuves sont contre eux, ils leur ont tordé le dos. Le coup, ils leur ont donné d'autres significations. استدلالهم بأن خروجهم لا يخلو من فوائد كذلك، منها أنه قد أسلم على أيديهم أعداد كثيرة من المشركين وأهل ملل مخالفة لدين الإسلام. aussi prennent comme preuve que le fait de sortir, il y a un bien dedans, et que par leur intermédiaire, beaucoup d'associateurs et beaucoup de déviants se sont convertis à l'islam. الجواب على هذا من عدة وجوه. يقول أهلين الغاية لا تسوغ الوسيلة، فكما أن الغاية شريفة يجب أن تكون الوسيلة نظيفة من البدع وخروج التبليغ الجماعي من شر البدع الدعوية. Et les hommes de science leur répondent ainsi. Le but ne permet pas d'utiliser n'importe quel moyen. Le but il est noble. Donc il faut que le moyen soit noble s'il soit épargné de l'innovation. Et le fait de sortir avec jama'at التبليغ c'est un mal dans lequel il y a plein d'innovations. Et c'est une da'wa qui est basée sur l'innovation. كذلك كثير من العصاة الذين انضموا لجماعات التبليغ وتقيدوا برسومها حالهم من قبل خير، لأن المعصية أهون شرا من البدعة، لأن العاصي ترجى توبته خلافا لأهل البدعة الذين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا ترجى توبتهم. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها. والبدعة لا يتاب منها أخ الإسلام إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى بالإنسان خيرا. Donc, un autre point pour répliquer à cette à comme quoi il y a du bien dans le khuruj, bah c'est que c'est parmi eux, parmi les pervers et les désobéissants qui se sont regroupés et qui sont rentrés dans Jama'at Tabligh et qui se sont conditionnés avec les fondements de Jama'at Tabligh, bah leur situation quand ils étaient dans l'ahwal et dans la désobéissance est mieux que leur situation, est moins pire que leur situation dans l'innovation. Car celui qui est en désobéissance, il peut se repentir, contrairement à celui qui est dans l'innovation. Celui qui est dans l'innovation, ben l'innovation coule dans son sang, comme la rage coule dans le sang de celui qui a été touché par un chien enragé. Et il est rare que l'innovateur se repente. C'est pour ça que Soufiane Théori Rahimahullah Ta'ala dit « L'innovation est plus aimée de Iblis que la désobéissance. » Car la désobéissance, on se repent de la désobéissance. Mais de la bid'a, on ne se repent pas. Bien sûr. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala ouvre le cœur de la personne. Et l'innovateur, tu le vois. Un désobéissant, tu le vois, tu parles. Il a une cigarette dans la main ou là, il a un pétard dans la main, tu lui parles. Il le cache tout de suite. Combien de fois on rencontre des frères sur le chemin, il dit qu'il voit les frères avec la barbe, le qamis, etc. Ils cachent leur cigarette, ils la jettent. Des fois, ils se brûlent même avec. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans une désobéissance. Mais le Moubtadi, lui, il défend sa bid'a comme quoi c'est un défendement de l'islam. C'est pour ça que Soufiane Thouri a dit cette parole. ونكتة هذا المقام أن العاصي يقر أنه مخالف لأمر الله ومرتكب لمعصيته فوقوع التوبة منه وارد لأنه لا يزعم أن ما هو عليه هو دين الله بخلاف المبتدع الذي يظن بل يعتقد أن ما عليه هو وأصحابه دين الله بل جوهر الدين ولبابه فيغلب عليه الاستمرار في بدعته لظنه أنها الإسلام فلا تقع منه التوبة إلا من تدارك الله برحمته. Point aussi sur lequel tire l'attention ici, c'est que le désobéissant, il confirme comme quoi il est en divergence avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Celui qui est dans une désobéissance, il sait qu'il est en désobéissance avec les ordres d'Allah Azza wa Jal. Il peut se repentir. Et il se repent. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien, il lui ouvre son cœur et il se repent. Mais celui qui est dans une innovation, parce que le désobéissant, lui, il sait que la situation dans laquelle ne fait pas partie de la religion. Ne fait pas partie de la religion. Hein? Donc, il n'attribue pas ça à la religion. Contre à l'innovateur, lui, il croit que ça fait partie de la religion. Et que la voie sur laquelle lui et ses compagnons, c'est la religion de l'Allah, mais c'est l'emblème de la religion et c'est la crème de cette religion. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester constamment dans son innovation. Parce qu'il croit que c'est ça l'islam et que c'est ça sunna. Et c'est pour ça que Tawba en général n'arrive pas. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Fa akhal islam, l'amru sa'bun jidden. L'amru sa'b. Fa hadi da'watun taqoumu ala al-jahl. والله سبحانه وتعالى أكد في القرآن أنه لا بد من العلم قبل العمل. يقول عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ سبحانه وتعالى بالعلم قبل العمل. ولذلك ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه قائلا باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. إذن cette da'wa qui est la da'wa de tabligh est basée sur l'ignorance et sur la naïveté. Et souvent, ils prennent les naïfs et les pauvres ignorants et les engloutissent dans l'innovation. Alors que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre d'apprendre avant de faire quoi que ce soit. Il est obligatoire d'apprendre que la science avant de faire quoi que ce soit. Et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et repens-toi de ton péché. Et il a commencé cet ordre par la science avant les actes. Et c'est pour ça que l'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, a titré ce titre dans son livre, dans son authentique, dans le livre de la science, il dit, chapitre, la science avant la parole et avant les actes, parce qu'Allah a dit, et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, Azza wa Jal. Et il a commencé par la science. Et je vais te montrer comme quoi ils sont ignorants. Regarde maintenant, un de nos frères qui s'est repenti, il a fait un khourouj avec ce qu'ils appellent Msturat, c'est-à-dire le groupe de femmes. Ils sont allés au Bangladesh et en Inde. Et arrivé au Bangladesh, dans un village, la personne qui va accueillir les femmes, c'est un riche. Et il leur a proposé, il leur a dit, pour le nombre que vous êtes, pour chaque couple, j'ai un appartement. Donc, vous vous êtes séparés de vos femmes pendant plusieurs jours. Maintenant, vous pouvez vous retrouver à avoir une intimité entre vous. L'émir, il a dit, on va faire le mouchoir, on va faire concertation. Et quand ils ont fait concertation, l'émir a décrété que ceci ne fait pas partie des principes de la jama'a. Donc, les hommes à la mosquée et les femmes dans l'appartement. Point final. Hein? Et c'est qu'est-ce qui a amené tout ça? L'ignorance. Et ses fondements qui sont en contradiction avec ce que veut Allah Azza wa Jal de nous. Wallahu subhanahu wa ta'ala kadhalika amara bil ilm. فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية تؤكد أن البصيرة تكون قبل الدعوة. وأدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، كقولك أسير على الطريق، فالطريق موجودة قبل المسير، وكذلك البصيرة تكون قبل الدعوة. Donc écoute frère, Allah عز وجل comme quoi la science est avant tout. Il dit dans le verset dans sourate Yusuf, dit ça c'est ma voix, j'appelle vers Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Donc, dans le verset, il est confirmé comme quoi il faut avoir la clairvoyance avant le da'wah. C'est-à-dire la science avant le da'wah. Ad'ou ila Allah. J'appelle vers Allah avec science. Comme si tu dis, je marche sur la route. Donc, ça veut dire que la route existe avant que tu marches dessus. Et donc, le basira doit exister. La science doit être prise avant de commencer le da'wah. فصلى الله سبحانه وتعالى التبات ها فنو allons arrêter là inchallah pour aujourd'hui. On termine avec ceci. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا.